complète ainsi pour ses nombreux voyages, vers des horizons neufs et des pays nouveaux. Sur ses pavés brillaient des soleils de passage qui faisaient voir la nuit comme à travers de l'eau. Si je n'étais qu'un témoin, je n'avais pas moins de gueule. Les « je t'aime » c'était mort, mais je savais chanter. La musique, c'est le credo de ceux qui restent seuls. Et dans ces musiques-là, il y avait de quoi naviguer. Le quai des amoureux, ma mère, le quai des amoureux. A vu bien des croisières, mon vieux, a vu bien des croisières et des bateaux restés à quai. On l'appelait ainsi pour toutes les découvertes de ces bateaux fleuris de mille serments d'amour, partis fendant la bleue, toutes voiles offertes, équipage perdu dans un rêve trop court. Combien en aurais-je vu de ces appareillages, du temps que c'était trop vrai pour qu'on ne puisse pas l'avouer. Je les voyais partir, matelots d'un autre âge, pour n'être plus qu'un point sur l'horizon fermé. Le quai des amoureux, ma mère, le quai des amoureux. C'était le bout de ma terre, mon vieux, c'était le bout de ma terre et des espoirs qu'on y paumait. On l'appelait ainsi pour ses cœurs en détresse et ses retours mouillés de larmes dans les yeux. Si eux ne me disaient rien, je me répétais sans cesse. Je vous disais au revoir quand vous me disiez adieu. Combien le fond de la mer fait-il danser d'épaves qui en perdant leur route ont rencontré la mort. Les seuls qui revenaient étaient beaucoup moins braves qu'à leur départ chantant toute voile dehors. Au quai des amoureux, ma mère, au quai des amoureux. Il y pleuvait hier, mon vieux, il y pleuvait hier, et le silence m'enveloppait.